Section 26. Chapitre 26. Il est 4 heures, madame, et depuis le déjeuner, ces messieurs sont enfermés dans le pavillon. J'ai frappé à la porte tout à l'heure, et M. Forgerus m'a crié « Plus tard, laissez-nous ». Est-ce qu'il restera ici, M. Forgerus? Faut-il lui préparer sa chambre? En voilà une idée de tomber chez le monde sans prévenir. Et vous l'attendez dans ce salon humide où il n'y a pas eu de feu depuis Noël? Vous serez malade. Silence, j'ai besoin de repos, dit Madame Angélique. Dame, il vous a fait causer assez longtemps, M. Forgerus. Ah, le voilà qui vient, c'est pas trop tard. Une inquiétude haineuse aiguisait les yeux de la Chavoche quand elle s'effaça pour faire place à M. Forgerus. L'ancien précepteur ne regarda même pas la servante. Il entra dans le salon délibérément et ferma la porte derrière lui. Madame de Chanteprie était assise dans un fauteuil au coin de la cheminée, un escabeau soutenant ses jambes malades. « Venez, monsieur, » dit-elle, « mettez-vous là, près de moi. Vous avez vu mon fils, vous lui avez parlé. « Dites-moi tout. » M. Forgerus assujettit ses lunettes sur son nez. Dans le jour blanc de la fenêtre, il paraissait à peine vieilli, et sa figure aquiline exprimait une espèce de fierté. « Eh, dit-il, j'arrive à temps. Tout est aventuré, madame, mais grâce à Dieu, rien n'est perdu. « Quoi, pouvons-nous espérer ?» La parole manquait à Madame Angélique. Ses paupières sans cils voilèrent ses yeux sans couleur. M. Forgerus reprit. « Ce matin, après notre long et douloureux entretien, je suis allé au pavillon. Les volets de la chambre étaient fermés. J'entre, personne, aucun bruit. Je monte l'escalier. Augustin sort de sa chambre. Tout à coup, il se trouve dans mes bras. Je vous l'avouerai, madame, dans ce premier moment, j'avais presque oublié mon rôle. Nous étions, Augustin et moi, troublés jusqu'aux larmes, incapables de nous entendre. Vivement, je l'ai entraîné dans la bibliothèque. Nous nous sommes remis peu à peu. J'ai regardé Augustin et j'ai vu qu'il ne ressemblait plus à l'adolescent dont je gardais l'image dans mon souvenir. Un homme était près de moi, un homme que je sentais malade d'âme et peut-être malade de corps. Un homme que je devais aimer, non plus comme un fils, mais comme un frère. Il a compris que je savais tout. Il a semblé déçu, contraint. Ne voulant pas jouer la comédie du miracle, j'ai dit simplement la vérité. Comment vous m'aviez appelé par lettre en janvier dernier, lorsque j'étais en voyage de convalescence, après une grave maladie. Comment j'avais eu connaissance de votre lettre à mon retour, et quel échange de dépêches avait brusquement décidé mon départ, malgré les représentations de M. de Grandville. Ainsi, vous n'êtes pas venu par hasard, vous étiez averti, ma mère vous attendait. Oui, certes, et je correspondais avec elle, télégraphiquement, par l'intermédiaire de Mademoiselle Courdimanche. Votre Jacquine était suspecte, mon cher enfant, suspecte au moins de complaisance. Il a détourné la tête. Puisque vous êtes si bien informé, vous savez qu'il est trop tard. Je sais que vous êtes très malheureux et que je viens pour vous sauver. Osez me dire en face que vous n'êtes pas infiniment, affreusement malheureux. Je lui tenais les mains, il essayait de fuir mon regard. Ah, ce pauvre visage amaigri, ravagé. Madame de Chanteprie murmura. Il vous a dit qu'il allait partir avec cette femme? J'ai posé la question hardiment. Augustin m'a répondu par des paroles incohérentes et contradictoires. Il redoute je ne sais quelle influence néfaste pour cette femme s'il la quitte en ce moment. Et pourtant, il parle d'une crise morale, d'un suprême avertissement de Dieu. Tout est désordre et tumulte dans sa pauvre âme. À vrai dire, je crois qu'il a eu déjà plusieurs fois l'obscur désir, sinon la volonté de se reprendre. Mais devant la rupture nécessaire, immédiate, son cœur se révolte éperdument. Il aime cette femme. « Il l'aime ! » s'écria Thérèse Angélique. « Que prétendez-vous là, monsieur ? En vérité, je crains qu'Augustin ne vous abuse par des grimaces sentimentales et des phrases de roman. Je connais mon fils. Il a pu être victime de cette fatalité physique qui rend l'homme semblable aux brutes. Mais qu'il puisse aimer une maîtresse, l'aimer avec son cœur et son esprit, comme il ne m'a pas aimé, moi, sa mère, comme on ne devrait aimer que Dieu. Non, monsieur, je ne puis le croire. On n'aime pas ce qu'on méprise. Et ce que vous appelez une faiblesse du cœur, c'est le triomphe de la bête. Croyez-vous, madame, dit Forgerus, étonné par l'accent de haine et l'âpre regard de Madame Angélique. Je n'ai pas une connaissance parfaite de ces faiblesses de cœur dont il a plu à Dieu de me préserver. Cependant, je me suis instruit par l'expérience des autres. Le démon prend les âmes grossières au piège grossier des vices corporels. Mais pour capter les âmes pures, il dresse des pièges subtils et invisibles, jusque dans les exercices de la piété, jusque dans les désirs de l'apostolat et du martyre. Ces âmes éclairées, méfiantes, scrupuleuses à l'excès, il les tente par les seuls vices qui ressemblent à des vertus. Quand votre fils a connu Madame Manolé, il n'a pas vu en elle une proie à conquérir, mais une âme à sauver. Et dans la déchéance de son amour, il songe encore à cette âme égarée, flétrie, perdue. Que deviendra-t-elle? Jusqu'où tombera-t-elle si je l'abandonne? Ce n'est pas seulement le cri de la jalousie instinctive. Je vous l'affirme, Augustin est pris par le cœur, l'illusion d'un devoir l'attache à sa complice. Il nous faut détruire cette dangereuse illusion, et cette tâche, qui paraît odieuse, ingrate, inhumaine, n'est point facile. Des larmes mouillèrent les joues parcheminées de Thérèse Angélique, larmes de douleur et de colère, coulant de ses yeux qui n'avaient jamais pleuré. « Ah ! » fit-elle, « je ne croyais pas qu'il l'aimât tant. Cette inconcevable idolâtrie m'épouvante. Et j'en souffre, monsieur, à cette heure, plus que je n'ai jamais souffert. Mon Dieu, pourquoi mes parents m'ont-ils engagé dans le mariage, malgré mes terreurs et mes dégoûts? Étais-je indigne du cloître? Hélas, j'ai été femme, et j'ai été mère, j'ai conçu, de ma chair humiliée, ce fils que je voulais très fort et très pur. J'ai vu si longtemps sur son front la blancheur du baptême. Je rêvais d'être une nouvelle Monique pour ce nouvel Augustin. Mais Dieu châtie l'orgueil de la mère comme il châtia l'orgueil de la Vierge. Ce qui sort de la boue retourne à la boue. Le fils de la femme retourne à la femme. Soulevée, pleurante, Madame de Chanteprie oubliait l'austère pudeur qui lui avait toujours fermé les lèvres devant M. Forgerus. Elle découvrait le mystère de sa vie, l'inguérissable plaie qui saignait encore après 20 ans de veuvage, et que les baumes mystiques n'avaient pu cicatriser. Soudain, elle essuya ses yeux. « Le chagrin m'emporte, pardonnez-moi, » dit-elle au vieillard, stupéfait et contristé. « Il ne s'agit pas de ce qu'a été mon existence et de ce qu'elle aurait pu être. J'adore les desseins de Dieu sur moi, sans les comprendre. Mais mon fils, que va devenir mon fils? Il faut le sauver pourtant à tout prix. Il faut lui arracher cette femme du cœur. Dût-il en mourir 1000 fois? J'aime mieux son salut que sa vie. Mais je vous répète que rien n'est perdu, madame. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ce que nous appelons un obstacle à sa grâce en devient parfois l'instrument. La sainteté sort de la corruption, comme naissent du fumier les fleurs et les fruits de la terre. La grande vertu est souvent fille des grands repentirs. Je le sais, et je sais aussi que Dieu choisit dans la masse réprouvée des fils d'Adam ceux dont il fera des vases de gloire, et ceux dont il fera des vases d'ignominie. Je sais qu'il fait justice à tous, et miséricorde à quelques-uns. Mais qui de nous oserait espérer le salut? Qui de nous oserait croire qu'il sera jugé par la justice ou par l'amour? Ah, monsieur, il est trop véritable que l'habitude du mal se change en nature, et que l'impression du péché ne s'efface point, immortelle dans l'âme immortelle. La grâce seule donne la volonté et le pouvoir de faire le bien. La grâce. Madame Angélique prononça ce mot comme Gaston de Chanteprie l'eût prononcé, avec une terreur révérentielle. La grâce seule peut sauver mon malheureux fils. Mais si elle lui est refusée? C'est un effrayant mystère qu'on ne peut considérer sans demeurer tout interdit et tout stupide, interrompit M. Forgerus. Mais prenons garde, madame. Ces figures peintes qui nous entourent semblent reconnaître notre débat et prononcer le conseil du désespoir. L'ombre de Port-Royal est sur nous. Prenons garde d'avoir trop lu saint Augustin et pas assez l'Évangile. Le maître récompense l'ouvrier de la 11e heure. Le père accueille l'enfant prodigue, et le repentir du coupable réjouit les anges plus que la persévérance des justes. J'ose le dire, je reconnais dans la vie passée de votre fils, et même dans son état présent, des marques éclatantes de la prédilection divine. C'est miracle que l'esprit de curiosité et la fausse science n'aient pas ébranlé sa foi. C'est miracle que la volupté n'ait pas engourdi sa conscience. Remettez-vous, madame, et permettez-moi de vous dire encore ce que disait un saint évêque à la mère douloureuse d'Augustin. Il est impossible qu'un fils pleuré avec de telles larmes périsse jamais. Ainsi et plus longuement, M. Forgerus exhorta Mme Angélique. Elle était calme lorsqu'il la quitta en disant « Demain, ce soir peut-être, j'amènerai votre fils à vos genoux. » Il monta l'escalier du pavillon comme à l'assaut. M. de Chanteprie, assis devant le secrétaire ouvert, lisait une lettre au dernier reflet du jour. « Je vous avais laissé en bonne disposition, » dit affectueusement l'ancien précepteur. « Vous avez réfléchi, vous avez prié, je suis certain que vous avez le cœur plus à l'aise. Votre mère a prié, elle aussi, et elle attend, comprenez-vous » Le jeune homme resta muet. « Vous ne voulez pas la voir ? Elle est bien malade. L'âme demeure lucide et vaillante, mais le pauvre corps sera bientôt consumé. Connaissez-vous son état ? Je le connais. Et la vie de votre mère vous paraît de moindre importance que le prétendu bonheur d'une étrangère ? J'ai adoré ma mère, de tout mon cœur d'enfant, mais depuis tant d'années, elle s'est fait une vie à part, loin de moi. J'ai honte de l'avouer, le lien filial s'est relâché. Ma mère m'inspire plus de respect que de tendresse. Je me suis accoutumée à trouver, ailleurs, l'affection, la sollicitude caressante. Alors ? Alors, me conseillez-vous de mentir à ma mère pour la consoler, pour prolonger sa vie ? « Mentir, non !» dit Forgerus, consterné. « Mais, après votre accueil de ce matin, vos confidences, j'avais cru que je pouvais répondre de vous. Augustin, il y a quelque chose. Votre figure, votre embarras, me font soupçonner. Lisez, vous comprendrez mieux peut-être le trouble où je suis. » Monsieur Forgerus prit la lettre, une ardente supplication, l'inimitable cri de l'amour vrai qu'il reconnut sans le connaître. Il en fut tout décontenancé. À travers les aveux d'Augustin, les anathèmes de Madame Angélique, le récit naïf du capitaine Courdimanche, il s'était fait de Madame Manolé une image bizarre, romantique, qui tenait de l'aventurière et de la mangeuse de cœur. « Assurément, pensa-t-il, elle est plus adroite et plus sincère que je ne croyais. » « Et pourquoi ne serait-elle pas sincère ?»« Elle aime Augustin avec cette tendresse imaginative et sensuelle. » qui donne aux jeunes hommes l'illusion du grand amour. Certes, elle est bien armée pour le combat, l'ennemi. Il posa la lettre sur la tablette abaissée du secrétaire, parmi des papiers mauves, où il aperçut la même écriture, longue et ferme, les mêmes majuscules, aux belles courbes. Encore des lettres d'elle, toutes ces lettres que vous relisiez, n'est-ce pas ? Vous y cherchiez des prétextes pour pallier vos défaillances. « J'ai prié, » dit Augustin, « j'ai prié par mes larmes, par mes gémissements, par mon silence. Humblement, j'ai dénudé ma plaie et demandé ma guérison. Déjà, était-ce une illusion de l'orgueil ? Il me semblait que mon âme enlisée dans le vice s'agitait, s'efforçait vers Dieu, d'un élan incertain encore et bien lourd. C'était comme une pression de main très douce sur cette âme irrésolue, qui essayait d'avancer et tournait de côté et d'autre une volonté languissante. En vérité, pendant cette accalmie, je croyais deviner en moi un travail intérieur, l'approche, ou tout au moins la promesse de la grâce. Je souhaitais de commencer tout de suite le sacrifice d'expiation. Il ne me paraissait pas impossible, Dieu aidant, de vivre dans la pénitence, loin d'elle, que je sentais si loin de moi. Et puis, cette lettre est venue. Et vos prétendus dégoûts, votre prétendu repentir, cette crise salutaire se résout en velléité stérile. Ce matin, votre péché vous faisait horreur. Le jour s'achève, et déjà par le désir, vous retournez à votre vomissement. « Mais je ne peux pas la quitter !» s'écria Augustin. « Vous avez lu. Elle m'attend. Elle m'appelle. J'ai promis. Elle n'a au monde que mon amour. Et vous voulez que je lui dise « Va-t'en, souffre, pleure, perds-toi si tu veux !» Pendant que je sauve mon âme, que penserait-elle de moi ? Je serais responsable de toutes les folies que son désespoir. Non, pas ainsi, pas si vite. Accordez-moi quelque temps. Je la verrai, je la préparerai doucement à notre séparation. Je lui ferai comprendre que j'obéis à un commandement divin, mais que le meilleur de mon cœur lui reste attaché, que je l'aime encore, que je l'aimerai toujours. Si je la quittais brutalement, elle croirait que je suis un lâche hypocrite. Et que mon repentir cache je ne sais quel projet. Vous la reverriez, elle vous tendrait les bras et, Non, ne vous mentez pas à vous-même. Ayez la franchise de votre lâcheté. Avouez que vous regrettez un plaisir infâme et que vous dites à Dieu « Donnez-moi, s'il vous plaît, la continence, mais pas si tôt. » Il n'y a pas dans l'amour que la sensualité, la tendresse. Oui, la tendresse des âmes sœurs, vous voyez où ça mène. Le piège sentimental est une œuvre démoniaque, comme le piège sensuel. Quand vous avez rencontré Madame Manolé, vous étiez pure d'âme et de corps, libre de toute réminiscence voluptueuse. Et pourtant, vous êtes tombée. Maintenant, l'accoutumance du péché remplit votre mémoire d'images lascives que la seule présence de votre maîtresse ferait surgir. Osez dire que vous êtes assez fort, assez sûr de vous pour risquer l'épreuve, pour revoir cette femme en amie. Vous ne me parlez que de moi, et je ne pense qu'à elle. Qui la défendra contre les mauvais conseils du dépit et du désespoir? Elle est pécheresse, comme vous êtes pécheur. Il est juste qu'elle soit châtiée. Par moi qui l'aime. Par vous qu'elle a corrompu. Oui, reprit M. Forgerus durement. Perdez le souci de cette âme. Si Dieu veut la sauver, il la sauvera bien sans vous. S'il veut la condamner, vos propres péchés retomberont sur elle. Vous tremblez à la pensée des larmes qu'elle versera. Larmes d'orgueil déçu, de désir trompé. Mon enfant, les larmes des femmes sèchent vite. Ces amours violentes, comme l'orage, passent comme lui. Il ne demeure rien d'elles que les ravages qu'elles ont faits. Votre Fanny se résignera. Et puis, qu'est-ce qu'un chagrin de femme auprès de la colère de Dieu? Elle se résignera, qu'en savez-vous? Elle-même? Elle est veuve, n'est-ce pas? Et veuve, très consolée. Ce n'est pas la femme d'un seul amour. Augustin frémit. « Ah, que me dites-vous? Si je renonçais à elle, je voudrais qu'elle ne fût à personne, après moi. Mais elle est belle. Je sais plus d'un homme qui a désiré ce baral, et je la jetterai moi-même dans ses bras. » Il se leva brusquement et ferma d'un coup sec le tambour du secrétaire, comme s'il eût voulu le briser. « Je vous en supplie, ne parlons plus d'elle. Je ne suis plus en état de vous écouter. » Fin de la section 26.